Quand Robineau pénétra au bureau, Rivière l'avait oublié. Il méditait devant une carte murale où s'inscrivait en rouge le réseau de la compagnie. L'inspecteur attendait ses ordres. Après de longues minutes, Rivière, sans détourner la tête, lui demanda « Vous êtes très lié avec Pellerin ?»« Je ne vous le reproche pas. »« Seulement, vous êtes le chef. »« Oui, » fit Robineau. Rivière pensa qu'ainsi, chaque nuit, une action se nouait dans le ciel comme un drame. Un fléchissement des volontés pouvait entraîner une défaite. On aurait peut-être à lutter beaucoup d'ici le jour. Vous devez rester dans votre rôle. Rivière pesait ses mots. Vous commanderez peut-être à ce pilote la nuit prochaine un départ dangereux. Il devra obéir. Oui. Vous disposez presque de la vie des hommes, et d'hommes qui valaient mieux que vous. Il parut hésiter. Ça, c'est grave. Rivière, marchant toujours à petits pas, se tut quelques secondes. Si c'est par amitié qu'ils vous obéissent, vous les dupez. Vous n'avez droit vous-même à aucun sacrifice. Non, bien sûr. Et s'ils croient que votre amitié leur épargnera certaines corvées, vous les dupez aussi. Il faudra bien qu'ils obéissent. Asseyez-vous là. Rivière, doucement, de la main, poussait Robineau vers son bureau. Je vais vous mettre à votre place, Robineau. Si vous êtes là, ce n'est pas à ces hommes de vous soutenir. Vous êtes le chef. Votre faiblesse est ridicule. Écrivez. L'inspecteur Robineau inflige au pilote Pellerin telle sanction pour tel motif. Vous trouverez un motif quelconque. Monsieur le directeur, faites comme si vous compreniez, Robineau. Aimez ce que vous commandez, mais sans le leur dire. Robineau, de nouveau, avec zèle, ferait nettoyer les moyeux d'hélice.